les passions tristes, c'est les vœux du séminariste, ces 20 ans consacrés au Christ, la jeune fille qui se fait nonne, l'assassinat de John Lennon, les passions tristes, c'est les doigts du taxidermiste, les yeux usés de l'archiviste, l'indifférence qui grandit, c'est l'assassinat de Gandhi, c'est l'assassinat de Gandhi. Les passions tristes, c'est l'ambition de l'arriviste, c'est les rêves matérialistes, c'est de veiller sur sa fortune dans un bunker au clair de lune. Les passions tristes, c'est les goûts exhibitionnistes, le mélomane immoraliste, viole avec violence sur mineur, sur un prélude en ré mineur, sur un prélude en ré mineur. Les passions tristes, c'est le rejet des enfants autistes, c'est notre bonheur égoïste qu'on place sous les meilleurs auspices, l'oubli des vieux dans les hospices. Les passions tristes, c'est tout ce qui rend fataliste, c'est le tout dernier tour de piste, et ces tristesses de Chopin aux obsèques du meilleur copain, aux obsèques du meilleur copain.